fallu des mois pour écrire Morale abattue, une histoire à vous dire. C'était la fin du collège et qui l'eût cru que cette fille me protège. Y'a trop de vécu, les mots sont trop faibles. Y'a tant d'années, mais tant de forilèges qui seront fanés. Ces 3 ans d'amour consumés en quelques jours. Pourtant quel parcours, petite mise à jour. Ça démarre le 17-07-05, tellement parfaite comme si c'était une sainte. Mais en fait c'était la beauté du premier amour. Alors je te cache pas que ça savoure. Par pudeur je te passe les détails de tous ces moments qui restent inoubliables. Erreur non négligeable, pas acceptable. Tout comme voir ma mère dans un sale état. Tu connais l'adage, on tourne la page. L'histoire se classe, peu importe l'âge. L'amour j'abandonne et puis je passe. Le temps passe mais rien ne s'efface. Tu connais l'adage, on tourne la page. L'histoire se classe, peu importe l'âge. L'amour j'abandonne et puis je passe. Le temps passe mais rien ne s'efface. Mal en point, l'histoire se finit par un point. Ça fait mal pire qu'un simple coup de poing. Je veux plus souffrir alors je m'attache plus. Et mais c'est trop dur et je te le cache plus. Putain l'amour c'est pas un match de boxe. Qui a raison, tu connais ce délire mort qui s'amorce dans tout couple prêt au divorce. Sa force est plus vivable donc ça se corse. À l'heure où des coupes se font et se défont, je me réfugie au fond de tous ces sons. Je m'évade dans mes songes et puis je songe à oublier comme si ce fut qu'un mensonge. Facile à dire, tu connais encore la suite, dure à réaliser car la vie se poursuit. Comment tourner la page d'un roman et comment ne pas oublier tous ces moments. Tu connais l'adage, on tourne la page. L'histoire se glace, peu importe l'âge. L'amour j'abandonne et puis je passe. Le temps passe mais rien ne s'efface. Tu connais l'adage, on tourne la page. L'histoire se glace, peu importe l'âge. L'amour j'abandonne et puis je passe. Le temps passe mais rien ne s'efface. Dans ton jardin tu m'appelles, y'a jamais de râteau et pas mal de pelles. Mais j'en bats plus, alors j'creuse mon trou. Des si tu m'as déplu, toi et tes coups. L'amour tu m'énerves, j't'ai mise à la porte. Depuis elle s'est prostituée comme une salope. L'amour se barre en couille depuis hier. Regarde mon frère trop dessus, ce sont vierges. Ma détasse qu'on l'audace de vouloir une délicate. Ce genre de blondasse prise par l'tasse. Mes muses de l'amour se sont ramollies. J'ai essayé de reprendre mais rien n'a pris. L'amour c'est un grand prix où je suis en pôle. Depuis quelques accidents le drame je frôle. Arrêt au stand, cœur cassé avant déprimé. Elle brûle les chambres, amour crevé. Bah oui l'amour devient si rare, si cher. Pour continuer fallait de l'essence mon frère. L'amour au passé fait mal avec ses regrets. Je le ressassais sans arrêt de force ou de gré. J'avais pris un aller simple dans son cœur sans avoir vu le retour dans la poche intérieure. Aujourd'hui t'es comme ma sœur et je suis fier qu'on ait pu le faire. J'oublierai pas tout ça, c'est clair. Tu connais l'adage, on tourne la page. L'histoire se classe, peu importe l'âge. L'amour j'abandonne et puis je passe. Le temps passe mais rien ne s'efface. Tu connais l'adage, on tourne la page. L'histoire se classe, peu importe l'âge. L'amour j'abandonne et puis je passe. Le temps passe mais rien ne s'efface. Tu connais l'adage, on tourne la page. L'histoire se classe, peu importe l'âge. L'amour j'abandonne et puis je passe. Le temps passe mais rien ne s'efface. Tu connais l'adage, on tourne la page. L'histoire se classe, peu importe l'âge. L'amour j'abandonne et puis je passe. Le temps passe mais rien ne s'efface.